Radiomatique. Transmission 517 d'Audiomatique s'ouvrait sur les sonorités créées par l'artiste péruvien Omar Aramayo à travers sa composition Nocturno Uno, apparaissant à l'origine sur la cassette Nocturno parue en 1983. Cette pièce en particulier a été rendue disponible contemporainement sur la compilation Territorio del Eco, Experimentalismo y Visiones de lo Ancestral en el Perú, produite par Boo Records et disponible sur les formats vinyle et numérique. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste canadien Bill Leeb d'assurer la continuité Audiomatique. Nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste américaine Brittany Bindrim, qui fait également partie du groupe I Scintilla depuis 2003. Nous entendions sa chanson Volcano, remixée par Nick Jones sous son pseudonyme The Boundless. Cette version se retrouve sur le mini-album Sea Storm Maestros, qui regroupe des versions remixées de chansons qui apparaissent sur le premier album solo de Brittany Bindrim, intitulé Velela Velela, sorti en mars 2024. Précédemment à Brittany Bindrim, nous avions droit à la musique de la saxophoniste anglaise Nubia Garcia, de son plus récent et troisième album, Odyssey, paru le 20 septembre 2024, nous vous avons présenté la pièce In Other Words, Living. Et pour débuter, il s'agissait de l'artiste canadien Bill Leeb, qui est derrière plusieurs projets parallèles, dont le principal Frontline Assembly, de son premier véritable album solo, Model Collapse, lancé le 13 septembre 2024. Nous vous avons offert la chanson Folded Hands. Allons-y maintenant avec une réinterprétation qu'a réalisé le projet Caribou de la pièce Little by Little du groupe Radiohead. Thank you. Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le projet Unidad Central et sa composition Aura Synthetica, apparaissant sur l'anthologie Analog Series, parue en 2006 et qui comprend des pièces réalisées par Unidad Central entre 1997 et 2001. Avant cela, c'était l'artiste Mickey Gonzalez qui nous offrait une version techno qu'il a lui-même réalisée de sa pièce Vamos a Tocache. Cette version, intitulée simplement Tocache, apparaît sur l'album Hi-Fi Stereo paru en 2007, alors que la composition rock originale Vamos a Tocache se retrouve sur l'album Tantas Veces sorti en 1987. Et on amorçait cette séquence sur la musique de Radiohead, soit la pièce Little by Little, retravaillée par le projet Caribou. La composition originale de Radiohead se retrouve sur l'album The King of Limbs, alors que la version remixée que nous avons écoutée est disponible notamment sur l'album double TKOLRMX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui regroupe en fait les 7 vinyles EP de remix liés à l'album The King of Limbs. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo anglais The Wave. Thank you. C'était à Audiomatic, le super groupe We Are Winter's Blue and Radiant Children, qui est formé de membres des formations Big Brave, Godspeed You Black Emperor, The Silver Mount Zion et Ada, du premier album de We Are Winter's Blue and Radiant Children, intitulé No More Apocalypse Father, et sorti le 13 septembre 2024, nous vous avons fait jouer la pièce-titre. Et en amorce de séquence, nous avions droit au duo anglais The Wave, formé de Graham Coxon, le guitariste de la formation Blur, et de Rose Eleanor Dougal, ex-membre du groupe The Pipettes, du deuxième album de The Wave, qui a pour titre City Lights. Nous avons choisi de diffuser la chanson Drew and Sia. C'est sur la musique du duo Marchaud que se terminera cette transmission d'Audiomatique de l'album Inhale, publié en 2013. Nous allons entendre la pièce August Day. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici Marchaud et sa pièce August Day. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.